Merci Maëlys, on vous retrouve la semaine prochaine. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous au quatrième jour de cette semaine consacrée aux grandes séries télévisées que sont Les Sopranos et Six Feet Under, avec ce dernier épisode sur la question du rêve et du temps dans ces séries et dans d'autres. Un épisode proposé par Didier Pinault, Laurence Genepin, Laurence Millet, Lauren Travaglichana, Alan Vanessa Prévost et Guillaume Ledu. Alors que les lecteurs se font moins nombreux que par le passé, les spectateurs de séries télé voient au contraire leur nombre augmenter chaque année, au point que l'on retrouverait parfois le type d'écriture qu'elles ont apporté dans les pages de certains romans. Il faut dire qu'avec Les Sopranos et Six Feet Under notamment, ce genre a prouvé que la fiction télévisuelle avait beaucoup à dire, et notamment sur la psychologie des individus. Elles sont, ces séries, à bien des égards, des équivalents contemporains de grandes fresques psychologiques, comme À la recherche du temps perdu l'a été au début du XXe siècle. Car c'est bien de cela dont il est question dans ces deux œuvres au long cours, le questionnement existentiel sur l'homme et la femme d'aujourd'hui. Le personnage de Tony Soprano, mafieux fréquentant une psychanalyste, en est un bon exemple, comme nous l'avons vu lundi d'abord avec Florent Loulando et mardi ensuite avec Emmanuel Burdeau. Et puis hier, nous avons parlé de Six Feet Under, série qui traque aussi le vide angoissant de la société contemporaine, quoique d'une autre manière. C'est Tristan Garcia qui nous l'a raconté dans une émission à retrouver évidemment en podcast. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous élargissons donc la focale pour parler de la thématique du rêve dans les séries télévisées. C'est avec vous que nous le faisons, Sarah Atuel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en littérature anglaise, également en cinéma anglophone à l'Université du Havre. Vous avez écrit plusieurs livres sur Shakespeare, mais également sur les séries télévisées. Un essai sur Lost en 2013 au PUF, mais aussi sur Goldorak, dans un livre coécrit avec Marie Pruvot Delapre, qui paraîtra en septembre prochain aux presses universitaires François Rabelais. Et puis en 2015, vous avez publié un essai intitulé « Rêves et séries américaines, la fabrique d'autres mondes ». C'est aux éditions Rouge Profond. Et là, vous traitez de cette question du rêve dans différentes séries, comme Les Sopranos, Six Feet Under, dont on parle du coup cette semaine, mais d'autres également, Awake, Buffy, Hannibal, Twin Peaks, et j'en passe. C'est vrai que pour un scénariste, la thématique du rêve, utiliser le rêve dans un scénario, on imagine que c'est du pain béni, Sarah Atuel, on peut tout se permettre finalement. Oui, c'est magnifique pour un scénariste, pour un showrunner ou une showrunneuse. Ça donne une liberté, une possibilité scénaristique incroyable. On peut être plus audacieux sur le plan esthétique, sur le plan idéologique aussi, puisqu'on peut tester plusieurs situations qui pourraient... On peut être politiquement incorrect. Absolument, absolument, c'est l'occasion. On peut tester justement des situations qui pourraient être jugées un peu taboues par certains spectateurs et spectatrices un peu encore conservateurs. Et puis dire finalement, mais non, c'était un rêve. En fait, on est des gentils. Exactement. Mais ça permet également de travailler le statut des images et de s'interroger sur, en gros, pourquoi nous regardons des fictions. Puisque, en fait, j'ai eu l'envie d'écrire ce livre comme une sorte de réponse à toutes celles et ceux que j'entendais dire « Oh, mais tout cet épisode, finalement, ce n'était qu'un rêve, donc ça ne comptait pas. » Ou « Toute cette séquence, c'était un rêve, donc elle ne comptait pas. » Ou « Toute cette saison a été révélée comme un rêve, donc elle ne valait rien. » Comme le rêve de Pam dans Dallas. Voilà, exemple exactement. Complètement incroyable, où les scénaristes ont décidé d'effacer complètement une saison en disant « Ah, mais non, tout ce qui s'est passé, ce n'était pas vrai, c'était le rêve d'un personnage. » Voilà. Scénario, un rêve scénarisé a posteriori. Mais, et donc, ça a donné une sorte de mauvaise image du rêve. Mais d'un autre côté, ça nous fait réfléchir à pourquoi nous regardons une fiction. Un scénario, un récit peut être fabuleux à expérimenter, même s'il ne va pas compter, entre guillemets, pour la trame narrative principale. Mais est-ce qu'on n'a pas du coup abusé de cet outil qu'est le rêve pour masquer un certain nombre de défauts dans les scénarios aussi ? En fait, je ne crois pas qu'on puisse raisonner de cette façon-là parce que les séries sont des récits au long cours et donc le rêve peut être plutôt vu comme une façon de montrer justement les ratures du scénario, les façons dont on va pouvoir revenir sur le même, justement comme une sorte de palimpseste de la fiction qui montre, qui révèle sa propre fabrication pendant qu'on la regarde. Et donc ça va permettre de tester, de tourner autour de situations narratives, d'en explorer tous les possibles. Le rêve est un véritable laboratoire des possibles scénaristiques dans les séries télévisées. Et en même temps, vous venez de le dire, Sarah Atuel, les spectateurs, les téléspectateurs n'apprécient pas forcément d'être entre guillemets trompés par rapport à ce qu'ils considèrent comme étant la réalité de la fiction, si l'on peut dire. Alors, il y a plusieurs aspects par rapport à cette question-là. Par rapport déjà aux films hollywoodiens classiques, par exemple, quand on va penser à la thématique du rêve, on va repenser à Matrix, par exemple, où le personnage principal comprend qu'il a vécu toute une partie de sa vie dans un rêve. Mmh. Et on lui dit finalement, bah non, la réalité, c'est le monde des machines, c'est les ténèbres, et il va falloir lutter contre tout ça. Et il y a un renversement radical de la réalité, on nous révèle ce qui est réellement. Mais dans les séries télévisées, parce que c'est un récit au long cours, on va sans cesse nous révéler la réalité et puis rebasculer dans l'illusion et puis rebasculer dans la réalité sans cesse. Donc ce qui amène les spectateurs à interroger constamment leurs croyances dans ce qu'ils regardent. Mais ça leur plaît pas forcément aux spectateurs. Alors c'est une éducation du regard. C'est, ça amène justement à être beaucoup plus vigilant, vigilante, et à s'interroger en permanence sur pourquoi on regarde. Une série télé nous amène constamment à nous demander si on va vouloir regarder le prochain épisode ou pas. Mais surtout, il y a un enjeu éthique à cela. C'est-à-dire qu'il y a des séries qui vont se servir du rêve ou des dimensions oniriques pour que l'on s'interroge sur justement pourquoi on s'attache à certains personnages et pas d'autres, pourquoi on va s'attacher à certaines lignes narratives et pas d'autres. Et au lieu de nous demander, de nous faire nous demander mais est-ce que c'est la réalité ou la fiction ou l'illusion ou le rêve, je veux savoir. Non, la série va peu à peu nous apprendre à accepter l'expérience de la fiction, du récit, pour ce que nous voyons. Et c'est ce que fait une série comme Twin Peaks en permanence, en fait. On doit accepter de vivre une expérience, au lieu de s'interroger constamment sur vouloir absolument savoir. Et une série comme Awake, qui introduit deux lignes narratives, on ne sait jamais si c'est du rêve ou pas, un petit peu comme dans Mulholland Drive de David Lynch, et dans une des dimensions oniriques, on ne sait pas si elle est onirique ou pas justement, dans une des dimensions, le personnage a perdu sa femme et a encore son fils avec lui, et dans l'autre dimension, il a au contraire perdu son fils et il a toujours sa femme avec lui. Et on ne sait pas quelle dimension est la bonne. Et vous voyez que, d'une certaine manière, si on devait choisir, si on devait absolument valider une des dimensions, cela voudrait dire abandonner pour de bon un personnage. Se dire, il y a eu véritablement mort et le personnage refuse cela. Et d'une certaine façon, c'est un message adressé aux spectateurs en leur disant... Ne choisissez pas forcément, n'essayez pas d'éradiquer un pan entier de cette fiction, parce que si vous le faites, vous prenez la responsabilité de tuer véritablement un personnage. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas penser à Lost qui est bâti totalement sur justement ce flou entre la réalité et la fiction. C'est pas une des deux séries sur lesquelles on a mis l'accent cette semaine, mais on peut peut-être en dire un mot tout de même, Sarah Atuel. Oui, alors en fait, Les Sopranos, la dernière saison des Sopranos a été diffusée de manière assez concomitante avec avec Lost, hein. Et c'est vrai que les séries HBO se construisent aussi en rapport avec les séries des chaînes de network. Il faut pas l'oublier, il y a de magnifiques séries de network et ne pas trop non plus se focaliser que sur les séries HBO. Je crois que c'est trop snob ce qu'on fait là. Non, pas du tout. En tout cas, il y a un véritable dialogue qui s'instaure entre les chaînes câblées et les chaînes de network et il y a une émulation. Et il faut en tenir compte. Et c'est vrai que Lost a influencé certaines séries du câble, tout comme Les Sopranos ont pu influencer Lost ou Six Feet Under a pu influencer Lost, dans cette idée de séries que j'appelle séries quantiques, en fait. C'est-à-dire des séries qui vont inclure dans leur propre récit une grande panoplie de possibilités scénaristiques. Et elles vont les agencer sous forme de plis hypothétiques. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture et nous parlons avec Sarah Atuel du rêve dans les séries télévisées. Justement, il y a tout cet aspect esthétique du rêve. Alors, historiquement, le rêve, c'était une image qui tout d'un coup se floutait. Enfin, on a un peu rigolé aussi sur le côté parfois kitsch de la manière dont les rêves étaient introduits dans les fictions et notamment dans les séries. Qu'en est-il dans ces séries du troisième âge d'or des séries télévisées, esthétiquement parlant, qu'est-ce qu'elles apportent, ces séquences de rêve? Alors, là, on vient d'entendre la musique de Twin Peaks. Et oui. C'est bien fait. Et en 90-91, quand la première saison de Twin Peaks paraît sur les écrans, c'est une véritable révolution esthétique, artistique, et surtout cette fin de troisième épisode où Dale Cooper fait un rêve et soudain, on voit apparaître une scène qu'on n'a jamais vue encore à la télévision. On a l'impression d'être dans un hors-temps, d'être passé dans un ailleurs du récit, un autre monde. Dale Cooper se retrouve dans une chambre rouge avec un petit homme qui danse et un sosie de Laura Palmer qui lui susurre des secrets à l'oreille. Et cette chambre entourée de rideaux rouges et avec un sol zébré de rouge et de noir, de blanc et de noir, pardon, imprime sa marque sur toute la télévision et sur la fiction en général. Et quand Dale Cooper rentre dans la chambre rouge, c'est un peu nous, les spectateurs, qui rentrons aussi dans cette chambre rouge et toute la fiction est devenue tout Twin Peaks, tout David Lynch, hein, d'une certaine façon. Et il y a eu une influence fondamentale de Twin Peaks, hein, sur les séries télévisées après. Et rappelons-le, Twin Peaks, c'est une série de network. Mmh. Mais ce que vous voulez dire en creux, c'est que Twin Peaks a montré qu'on pouvait, grâce à ces séquences-là, de rêve, être véritablement artiste. Oui. C'est-à-dire avoir une vision plastique, une vision graphique. Absolument, absolument. On parlait d'audace et le rêve permet cette audace esthétique. Mais ce qui est très intéressant avec Twin Peaks, c'est que David Lynch crée un espace du rêve qui est bien sûr onirique, qui est mental, hein, qui est virtuel, qui est créé par l'imaginaire de Dale Cooper, mais on se rend compte à un moment que c'est un espace géographique qui existe, où on peut quand on va dans la forêt de Twin Peaks, qu'on trouve le cercle des 12 sycamores, on peut rentrer dans cet univers, dans cette chambre rouge, pénétrer dans le rêve, et là on a un point où la fiction envahit le réel. Le réel est contaminé par... contaminé est un mot un peu trop péjoratif, mais le réel va rencontrer la fiction. Il y a un point de rencontre où on ne pourra pas faire la différence. Il y a une porosité entre réel et fiction, illusion, rêve, réalité, qui se met en place. Et puis il y a aussi une porosité dans les rêves entre la réalité de ce que vivent les personnages et ce que les personnages regardent eux-mêmes sur leur petit écran à eux. Absolument. Ou sur le grand écran d'ailleurs. Et on en vient justement au Soprano, parce que Tony Soprano, dans cette série, est un gros consommateur de séries télévisées et de cinéma classique hollywoodien. Et ce qui est fascinant, c'est quand il rêve, ses rêves sont influencés par ce qu'il voit, alors par ce qu'il vit dans sa réalité de quotidien de mafieux, mais par également ses expériences télévisuelles et cinématographiques. Et ses rêves sont construits, sont pétris de fiction cinématographique. Mais c'est pas que dans le rêve qu'il y a des séquences où on voit la télévision allumée dans les Sopranos. Non, bien sûr. Mais justement, on nous montre un Tony spectateur. Et ensuite, comme on nous montre ses rêves, on voit qu'il y a eu influence. Et donc, cela est vraiment essentiel de voir que Les Sopranos est une série qui nous dit clairement que ce que nous regardons à la télé et au cinéma va influer sur notre vie, va avoir un impact sur notre psychisme et que cela compte. Mmh. Ça nous forme, ça nous construit. Donc ça veut dire que quand on regarde Les Sopranos, à la fin des 6 saisons, on est changé et on va garder en tête ces images pendant tout le reste de notre vie, mais de façon presque inconsciente. Ça va faire partie de notre inconscient. Bien sûr, bien sûr. Mais comme Tony suit une thérapie, il raconte ses rêves. Et ses rêves, parfois, nous les avons vus. Nous en avons été témoins. Et la psychiatre commence à analyser ses rêves. Elle commence à analyser des séquences que nous avons vues. Donc, Les Sopranos se positionnent comme une série qui analyse ses propres séquences. Et ça, c'est très fort. Alors, on va écouter justement un extrait des Sopranos. C'est un extrait d'un épisode très célèbre qui s'appelle « The Test Dream ». Hello. We need you to do something. Like what? Our friend. He's gotta go. No problem. Don't fuck it up. It's important. I know it's important. Allô? On a besoin de toi, Tony. Pourquoi faire? Notre ami. Il faut qu'il dégage. Pas de problème. Ne merde pas, c'est trop important. Je sais que c'est important. Il était là dans mon lit à me fixer du regard. Il n'avait pas l'air mort. Enfin, pas plus mort qu'il ne l'était avant de mourir. Et il m'a dit... ma femme me manque. Et là, le téléphone a sonné. Et une voix m'a dit... on a besoin de toi, Tony. Pourquoi faire ? Eh ben, pour tuer un type, tiens. Mais enfin, c'était un cauchemar, hein, vous emballez pas. La compagnie des auteurs sur France Culture. Donc là, on vient d'entendre un extrait où, successivement, il y a ce rêve de Tony Soprano, le téléphone qui sonne, on lui demande de tuer quelqu'un, et ensuite il le raconte à sa psychanalyste. Ça illustre bien d'ailleurs ce que vous disiez juste à l'instant, Sarah Atuel. Quelle analyse sur cet extrait, plus largement sur cet épisode de Test Dream, dans lequel quasiment une demi-heure de l'épisode est composée d'un d'un rêve, du rêve de Tony Soprano. Alors d'abord sur cet extrait en particulier, est très intéressant parce que quand Tony répond au téléphone, on entend une voix qui lui dit « il faut qu'un type dégage » et cette voix c'est celle du showrunner. C'est celle de David Chase, qui est le créateur de la série, et qui adorait écrire ses séquences de rêve. Il ne déléguait pas l'écriture à d'autres scénaristes. Il voulait les contrôler de A à Z. Et le fait qu'il insère sa propre voix dans cette séquence montre bien ce désir de contrôle. Et surtout, cela reflète une anecdote de tournage. David Chase était connu pour appeler personnellement les acteurs quand ces acteurs devaient normalement quitter la série parce que leur personnage allait justement mourir, allait être dégagé. Donc le fait qu'il appelle Tony en disant « ce type doit dégager », c'était un écho direct au fait que David Chase faisait la même chose dans la vraie vie avec ses acteurs pour les préparer au fait qu'ils devaient quitter la série. Et donc, on voit que ces séquences de rêve, elles témoignent d'un contrôle autorial par le showrunner, mais dans le même temps, paradoxalement, toutes ces séquences de rêve sapent un petit peu la réalité de la fiction. On l'a dit, elle fait entrer du surnaturel, elle crée une porosité avec l'illusion, le rêve, le virtuel. Et donc, elle sape les fondements même de la fiction. Et donc, vous voyez, c'est cette tension permanente dans ces séquences de rêve entre le contrôle artistique, la création de la fiction, la fabrication de A à Z voulue par le showrunner, et d'un côté, ces mêmes séquences qui appellent à l'interprétation, appellent le spectateur ou la spectatrice à s'investir complètement dans la fiction et qui, en fait, volent un peu de l'autorialité au showrunner. Oui, parce qu'on peut se demander qui rêve, est-ce que c'est en effet le showrunner, l'acteur, le personnage ou le spectateur? Oui, et puis parce qu'on doit nous-mêmes projeter notre propre interprétation, on crée le récit, on participe à la fabrication de la fiction. Et plus généralement, cet épisode The Test Dream, comme vous l'avez dit, fait la part belle au rêve pendant 30 minutes, on va dire. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on ne sait plus à un moment si on est sorti du rêve ou si on y est encore. Et d'ailleurs, ce rêve commence par un réveil, c'est-à-dire que le début du rêve, Tony Soprano est dans un lit, alors il s'est endormi avec une prostituée, puis il se réveille à côté d'un mafieux. D'un fantôme, en fait. Et voilà, donc on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui paraît un petit peu étrange. Et ensuite, les rêves s'enchassent. Et ça, c'est une particularité des Sopranos. S'enchaînent, on va dire qu'ils s'enchaînent. C'est-à-dire qu'on croit être sorti du rêve. On se dit, c'est bon, ça y est, on est revenu à notre réalité. Et en fait, il y a des petits détails qui vont attirer notre attention. Et on va commencer à s'interroger, mais est-ce que nous sommes vraiment sortis du rêve et une sorte d'inquiétante étrangeté qui nous fait douter. Qui est angoissante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on voudrait retrouver un petit peu le sol, le plancher des vaches. Bien sûr, ça crée une sorte de vertige de la fiction qui est passionnante. On ne sait plus si on est encore dans le rêve ou pas. Mais vous voyez que la série prend à bras-le-corps la question de la représentation du rêve. Comment représenter un rêve de manière, entre guillemets, crédible? Puisque le rêve met en tension permanente ce qui est de l'ordre de l'invraisemblable et du vraisemblable. Quand on rêve, on a l'impression qu'on vit quelque chose de réel, alors qu'en fait, quand on va se réveiller, quand on va raconter son rêve à quelqu'un, tout est absurde. Et donc, mais quand on filme une séquence qui doit être un rêve, on doit jongler entre l'idée de vraisemblance et d'invraisemblance. Et les Sopranos réussissent l'alliage, me semble-t-il, parfait, en distillant les éléments un peu invraisemblables dans du vraisemblable. Et donc, on est constamment en train de s'interroger sur le statut des images et de ce que nous regardons. Alors, il y a une autre séquence qui n'est pas vraiment une séquence de rêve, mais qui est une séquence de coma, qui est également célèbre dans cette série Les Sopranos. C'est un moment où Tony s'imagine, alors dans son coma, les vies qu'il aurait pu avoir. C'est d'ailleurs un classique un petit peu des séries télé. Oui, parce que ces récits au long cours doivent, savent qu'ils doivent finir à un moment, mais il y a comme une frustration des showrunners. Et donc, il y a toujours l'envie de, d'épuiser toutes les possibilités et de les inclure dans le récit. Mais ça, c'est un questionnement qui est propre aux showrunners et aux showrunneuses, mais a priori, le spectateur, lui, n'a pas tellement besoin de connaître toutes les idées qui ont été discutées autour de la table moment où le scénario s'est fait. Bien sûr, bien sûr. Et on imagine que toutes ne donneront pas lieu à des séquences de rêve de toute façon. Et celles qui sont finalement choisies, en fait, auront quand même un impact, auront quand même du poids. Par exemple, prenons l'exemple de Six Feet Under, du début de la saison 3 de Six Feet Under. Nate est en train d'être opéré du cerveau et il est aussi dans une sorte de coma induit par l'anesthésie. Et il voit plusieurs issues que pourrait prendre sa vie après l'opération. Mais écoutez, ça tombe bien, Sarah Hatchell, parce que on a exactement cette séquence-là. Je vous propose de l'écouter. Do you believe that your consciousness affects the behavior of subatomic particles? Am I alive or am I dead? Do you believe that particles move backwards and forwards in time and appear in all possible places at once? And if I am dead, is this heaven or hell? Do you believe that the universe is constantly splitting into billions of parallel universes? What the fuck do I care? You only get one choice, so you may want to think about this. Just tell me. Am I dead? Yes or no? Yes. Donc c'est aussi une séquence qui dure une vingtaine de minutes, hein, qui est très très longue. C'est le début du premier épisode de la saison 3, donc on ne sait pas en effet exactement où on se trouve. Là, la séquence qu'on entend, c'est Nate qui parle avec son père, qui lui-même est mort. Il lui demande, mais est-ce que je suis mort? Est-ce que je suis vivant? Est-ce que je suis au paradis ou alors en enfer? Et puis ensuite, il y a, comme vous le disiez à l'instant, Sarah Hatchell, toutes les possibilités de vie de Nate, toutes les potentialités d'avenir qu'il visite en visitant les pièces de sa maison. Alors va-t-il vivre avec telle femme Brenda ou avec telle autre Lisa? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette séquence? Alors justement, en explorant ses futurs possibles, Nate va lancer des pistes. Il va faire écho au travail scénaristique, bien sûr, mais plus, de manière plus essentielle, En nous disant qu'il aurait pu choisir Brenda ou Lisa pour vivre, quand on va finalement le voir en couple avec Lisa, quand il sort du coma, on voit que finalement il a choisi de vivre avec Lisa. Et d'ailleurs, plus loin dans la même saison, il va vivre cette scène qu'il a vécue en rêve avec Lisa. Oui, le rêve peut à ce moment-là être prophétique. Mais pour le spectateur ou la spectatrice, ce qui est à ce moment-là très intéressant, c'est qu'on va garder en tête comme le bruissement de ses possibles. Et donc, quand on va voir Nate avec Lisa, on se demandera toujours s'il a fait le bon choix. En tout cas, on va voir tout choix de Nate, tout choix de vie, comme un choix de scénario, en fait. Et donc, comme une branche du destin, une branche de l'univers qui est explorée par la série. Et donc, ces séries se présentent ouvertement comme des mondes en expansion et qui s'interrogent en permanence sur leur fondement. Et c'est également ce que fait Nate, le personnage, dans sa vie propre. C'est-à-dire qu'il est constamment en train de se demander s'il a fait le bon choix de vie. Donc on est encore une fois vraiment dans l'inconscient et le rêve est toujours un petit peu freudien dans les séries télévisées ou très souvent en tous les cas. Et cela reflète nos propres interrogations dans nos propres vies de spectateurs quand on se demande est-ce qu'on a fait le bon choix dans la vie, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire ça. Mais vous voyez comment la fiction devient spectrale, elle est hantée par tout ce qui aurait pu arriver. Et alors graphiquement, esthétiquement, picturalement, le rêve dans Six Feet Under, à quoi ressemble-t-il? Est-ce qu'il y a une touche particulière? Alors, le rêve dans Six Feet Under, ce n'est pas le rêve de Twin Peaks. On ne va pas rentrer dans une chambre rouge. On est plus dans le réalisme. Oui, on est dans le quotidien, mais qui est à nouveau inquiété par de l'étrangeté et du fantomatique. On est hanté par le père, c'est une série hantée par le père qui commence, qui inaugure, l'épisode inaugural c'est la mort du père, donc vous parliez de Freud tout à l'heure, oui on est en plein sur que faire avec quand le père n'est plus là. C'est une série qui se construit autour de cette question. Et puis, picturalement, je reprends ce mot-là, il y a des références qui sont peut-être des références à Magritte. Oui. Il y a même cette esthétique, cette couleur, ces espèces de la vie, de nuages. Oui, les célèbres tableaux de Magritte, la pomme qui envahit le cadre, ou les portes avec vous voyez ces tableaux de Magritte où le nuage s'infiltre par la porte. Et on va retrouver cette esthétique dans bon nombre de rêves faits par Nate ou par la sœur de Nate. Qui est artiste aussi. Exactement, qui va devenir photographe et qui va faire du montage photo. Et donc, on voit comment les séries s'approprient l'art et comment elles deviennent un art global, en fait, s'inspirant du cinéma, de la peinture. Lynch fait beaucoup cela également, en incorporant dans la Chambre Rouge, on a des Vénus de Milo, par exemple. Et du théâtre aussi, on terminera avec ça, puisque vous êtes spécialiste de Shakespeare. Le lien avec Shakespeare, dont on sait très bien que le rêve est l'un des éléments récurrents dans ces pièces, est-ce que vous en voyez ? Alors, en fait, les séries n'ont pas besoin forcément de citer Shakespeare pour traiter du matériau shakespearien. C'est-à-dire, elles sont shakespeariennes par leur interrogation même sur le statut de ce que nous regardons, ce que fait très bien Shakespeare dans ses pièces. Une pièce comme Le Songe d'une nuit d'été, par exemple, on est constamment en train de se demander si les personnages sont dans une fiction rêvée ou pas. Donc, et cette question de la réversibilité du sommeil et de la veille. Et ces séries, des séries comme Lost, comme Les Sopranos, comme Six Feet Under, reprennent les interrogations démarrées par Shakespeare au XVIe siècle. Le théâtre baroque en général. Merci beaucoup Sarah Atuel pour cet éclairage sur la question du rêve dans les séries télé. Pour les auditeurs qui le souhaiteraient, je conseille votre livre Rêves et séries américaines, La Fabrique d'autres mondes, paru aux éditions Rouge Profond en 2016. Je signale également à nos auditeurs que votre nouvel ouvrage Goldorak, l'aventure continue, paraîtra en septembre prochain aux presses universitaires François Rabelais. On lira ça tout de suite, la chronique. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et comme chaque jeudi, nous proposons, vous le savez, à un grand lecteur ou une grande lectrice de venir nous parler du sujet dont il est question ici toute la semaine et aussi d'une actualité culturelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la critique littéraire Aliette Armel. Bonjour Aliette. Et bonjour Mathieu. Et vous avez choisi de parler de Six Feet Under pour commencer. Voilà, donc heureusement la grande lectrice est aussi grande téléspectatrice, ce qui peut aider pour aujourd'hui. Et l'angle que j'ai choisi, qui m'a beaucoup intéressée dans Six Feet Under, c'est celui du rapport à la maladie. Mm-hmm. Parce qu'on parle très souvent de Six Feet Under comme quelque chose qui interroge beaucoup sur la mort avec la profession de la famille Fisher et tout ça. Mais on voit aussi que les personnages eux-mêmes sont extrêmement concernés par ce rapport à la maladie qu'ils intègrent au quotidien et dans la durée. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important par rapport à notre monde contemporain où beaucoup de gens sont confrontés à cette problématique. D'ailleurs, si Nate est dans le coma au début de la troisième saison, c'est parce qu'il a depuis longtemps un anévrisme problématique. Voilà, et donc, en fait, c'est une malformation artério-veineuse cérébrale. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est plus scientifique tout d'un coup, oui. Oui, voilà. Et donc, face à cette malformation qui est découverte presque par hasard à l'occasion d'un accident de voiture, il faut qu'il se pose la question. Comment bien vivre avec ça? On retrouve la thématique de Tristan Garcia hier. Comment bien vivre, mais de manière éthique Et quelle bonne décision prendre? Quelle décision juste prendre? Est-ce que je me fais opérer? Est-ce que je me fais pas opérer? C'est toute une problématique avant le début de la saison que vous avez évoquée tout à l'heure. Donc, c'est face à cette maladie, il fait le choix d'être opéré et ensuite, on sait qu'elle continue à être, à l'accompagner jusqu'à une fin qui est finalement relativement proche. Mais beaucoup de personnages sont concernés par cette attitude à trouver au quotidien face à une maladie de longue durée. Pas seulement la sienne, celle des autres. Celle de Rousse. Rousse est confrontée la mère. À la, Rousse, la mère est confrontée à la maladie de son second mari, Georges, qui est une maladie mentale. Sa fille, Claire, est concernée par l'attitude qu'elle doit avoir face à Joe, son boyfriend, qui lui est suicidaire, qui lui est drogué, qui lui est même potentiellement dangereux. Mais aussi, c'est comment on s'interroge sur ce que soi-même, à la fois on peut faire pour l'autre, mais pour soi-même face à ça. Rousse, sa problématique, c'est comment je vais survivre tout en étant éthiquement juste par rapport à mon mari. Et pour Claire, c'est la même problématique. Comment survivre à 18 ans à ça? Sarah Atchuel, en 10 secondes, peut-être un commentaire sur cette question de la maladie. On revient encore à la spécificité des séries télévisées. Jean-Pierre Eskenazi va en parler aussi sur le temps, sur le long cours. Et bien sûr, le rapport à la maladie rentre dans cette thématique-là. Cette idée qu'on va pouvoir suivre un malade ou une malade du début jusqu'à la fin de la maladie ou de sa vie. Et c'est quelque chose d'extrêmement poignant, d'extrêmement fort. Oui, c'est le temps de la vie, le temps de la série. C'est le temps de la vie. Enfin, c'est ce qu'on va voir, n'anticipons pas sur la seconde partie. Oui, oui, mais alors en plus, on interroge aussi la maladie du nouveau-né, parce qu'on est dans la problématique, amniocentèse ou pas, à la fin. Enfin, c'est vraiment, on prend tout le panel, en fait. Et votre sélection culturelle, alors, Aliette Armel, qu'est-ce que c'est? Pierre Furlan, un auteur dont on ne parle pas assez, parce qu'il est aussi traducteur, particulièrement de Russell Banks, et qui est un écrivain qui est porteur d'un style juste, précis, concis, et habile à faire ressentir sans jamais s'apesantir. Alors ça convient parfaitement à la forme de la nouvelle qu'il développe dans des recueils publiés aux éditions Esperluette, mais ça convient aussi tout à fait au roman, et son dernier roman, le Livre des Îles Noires, manifeste un vrai souffle. Alors depuis quelques décennies, Pierre Furlan voyage dans les contrées du Pacifique, et il a séjourné en Nouvelle-Zélande, et plus récemment dans une île du Vanuatu, anciennement les Nouvelles-Hébrides, sur les traces d'un aventurier anglais du début du XXe siècle, Fletcher. Et Fletcher est surtout connu pour ses lettres des îles Paradis, qui ont fait scandale parce qu'elles donnent une image désastreuse de ces îles et de l'exploitation des Kanaks par les colons. Alors Pierre Furlan mêle réalité d'aujourd'hui, enquête au Vanuatu en compagnie de la petite fille mélanésienne de Fletcher et réécriture de l'expérience du voyageur en y incorporant des citations de ses lettres authentiques. Et ce roman est une superbe initiation à la culture inconnue d'un pays qui ne l'est pas moins, le Vanuatu, une ethnologie du comportement des Européens à travers le comportement de Fletcher, mais aussi l'exploration de la personnalité d'un homme, Fletcher, souvent aussi étranger à lui-même qu'au monde qui lui résiste, que ce soit dans les îles où il est devenu légendaire ou dans son Angleterre natale. Le Livre des Îles Noires, sous-titré « Vie de Fletcher » par Pierre Furlan, c'est aux éditions Au Vent des Îles. Merci beaucoup Aliette, à très bientôt. Ouch. On continue avec la suite et bientôt la fin malheureusement de notre semaine spéciale série dans la compagnie des auteurs sur France Culture avec l'exploration d'une dernière thématique qui est celle du rapport au temps et notamment dans Six Feet Under mais dans d'autres séries aussi peut-être. Nous sommes pour ce faire avec Jean-Pierre Eskenazi, professeur émérite à l'Université de Lyon, historien et sociologue du cinéma. « Bonjour Jean-Pierre Eskenazi. Bonjour. Alors vous vous intéressez beaucoup au phénomène des séries télévisées, comme par exemple dans votre essai « Mythologie des séries télé » que vous avez publié au Cavalier Bleu en 2015, et où vous posez la question de savoir comment expliquer le goût quasi addictif pour les séries télévisées. Peut-être en quelques mots, revenir sur cette idée-là. Oui, c'était l'éditeur donc qui m'avait posé cette question-là. Et j'ai écrit ce livre en tâchant d'expliquer que la raison principale, c'est que les séries sont bonnes, entre guillemets. Ça fait quand même un gros livre ou alors c'était un tout petit livre, hein, c'était un tout petit livre, une commande. Le gros livre, c'était notre livre. Mais à la fin du livre, j'étais un petit peu découragé parce que l'éditrice m'a dit, mais en fait, pourquoi elles sont bonnes? Pourquoi les gens courtillent vers les séries? Donc, en fait, c'était comme s'il avait, c'était pas dit, pas impossible de la convaincre d'une manière ou d'une autre que les séries s'arrachaient étaient autre chose qu'un phénomène, social ou culturel qui montrait surtout la désaffection des gens vis-à-vis de la lecture. Mmh. Donc c'est encore il y a 10 ans de ça à peu près. On voit qu'il y a du chemin qui a été parcouru parce que je pense qu'aujourd'hui le fait de la qualité des séries n'est quand même plus remis en cause. Mmh. Alors le temps, c'est de ça qu'on va parler avec vous aujourd'hui. Le temps dilaté de la diffusion des séries sur plusieurs années, évidemment, influe sur l'écriture. Est-ce qu'on peut déjà commencer par cette idée de la temporalité de la diffusion, Jean-Pierre Eskenazi? Alors c'est un flux, certes, mais c'est aussi un flux découpé, selon un calendrier d'épisodes, avec des jours, si l'on veut, qui sont les épisodes, et puis des mois, qui sont les saisons, ou des saisons, des mois et des saisons, comme on veut. Qui sont des années où voilà, ça n'a pas d'intérêt dessus, un peu. Et donc, alors au début, les producteurs de séries s'étaient emparés de cette, au début des séries, années 50, s'étaient emparés de cette forme, pour bâtir des épisodes indépendants les uns des autres, pour répondre à la demande qui était la demande de la télévision. Et en fait, je trouve que l'histoire des séries se confond avec l'appropriation de ce calendrier afin d'en faire un véritable temps humain, c'est-à-dire un temps organisé autour d'événements, autour de projets, autour de certain nombre de choses, autour de conception du temps. Et en fait, à partir d'une certaine époque, eh bien, les séries se sont mises à finalement poser ce que Deleuze appelle une image du temps, une conception du temps, qui devient identique à leur projet, ou du moins, en tout cas, à leur projet initial. Disons, Breaking Bad commence par l'annonce de la mort de quelqu'un. Alors, évidemment, avoir comme perspective la mort de quelqu'un, la mort presque inévitable, l'un des pires cancers, semble donner à la série un espèce de... une temporalité propre, avec certainement l'achèvement de la série, avec la mort de Walter White. En tout cas, c'est ça qui crée le suspense. Alors, c'est ça qui crée le suspense, mais c'est ça aussi qui crée l'enjeu de la série. Parce que dans Breaking Bad, comme dans toutes les grandes séries, cet enjeu se trouve déformé, associé, transformé, métamorphosé. Et dans Breaking Bad, en fait, la transformation d'un cancer comme maladie en cancer social, qui est Walter White lui-même, progressivement devient l'enjeu de la série. Le fait que le personnage qui nous apparaît sympathique au départ devient progressivement absolument horrifique au fur et à mesure que de la série se poursuit. J'avais fait une enquête sur le moment où les gens cessaient d'aimer Walter White, et c'était assez extraordinaire de type de réponse. Mais en tout cas, là, on a un vrai projet très simple à définir. Dans d'autres séries, c'est plus compliqué. C'est souvent l'enjeu, le temps, d'ailleurs. Alors, l'enjeu, c'est la manière de vivre le temps, la manière d'être dans le temps. Hein, voilà, c'est ce problème-là qui revient sans discontinuer. Dans un premier temps, j'avais pensé que c'était un projet qui était énoncé dès le départ et qui se projetait plus tard dans toute la série. En fait, je pense aujourd'hui que c'est plus compliqué et que finalement, comme Sarah Atchell l'a montré dans son livre, finalement, la série multiplie les univers, et très souvent ces univers n'ont pas la même temporalité. Donc en fait, il y a une sorte de conflit de conception ou d'image du temps, les unes par rapport aux autres, qui construit la série. Dans Six Feet Under, Les différents personnages vivent le temps, puisque la famille explose dès le départ, donc on sait que le temps familial, le temps fondé sur des familles traditionnelles, sur un temps avec les fêtes dans lesquelles on se retrouve, voilà, avec une vie qui est absolument stéréotypée. Pour chaque personnage, ça éclate, hein, et dans chaque personnage, le mode de vie devient un enjeu différent. Et parce que les personnages sont très différents, la temporalité de chaque personnage est différente, et les univers se superposent en se rejoignant de temps en temps, mais pas toujours. D'ailleurs, le premier épisode de la première saison se passe la veille de Noël 2000, et c'est vraiment un jour du temps calendaire. Exactement. Et du coup, est-ce qu'il y avait, selon vous, cette réflexion des showrunners et des showrunners sur cette idée que on allait faire exploser le temps calendaire qui est le temps du spectateur? J'en suis persuadé parce que les exemples sont trop nombreux de séries qui commencent par exposer un univers qui rompt le temps commun, que ce soit Desperate Housewives avec la mort de l'une de leurs amies qui va falloir que les autres digèrent et comprennent, etc. On pourrait multiplier les exemples où tout d'un coup une série commence par un événement qui rompt le temps et qui force les personnages et le récit, plutôt les récits, eh bien à trouver une nouvelle manière de vivre dans le temps. Alors, quel va être le temps de chacun des personnages dans Six Feet Under? Pour Nate, clairement, ça va devenir, comme vous l'avez expliqué, le temps de la maladie, le temps de gérer sa propre mort, de gérer la perspective d'une mort possible sans cesse. Ruth, c'est un temps qui est tout à fait émouvant finalement, parce que c'est quelqu'un qui voudrait vivre. C'est le temps d'une deuxième vie. Exactement, complètement, du temps d'une deuxième vie et d'une temps d'une vie qu'on revit depuis l'adolescence en quelque sorte, sauf qu'elle a un âge pas canonique. Mais je me permettrai de pas dire ça pour moi encore. Elle est certainement plus jeune que moi. Et pour chacun d'entre eux, alors la fille aînée dont j'ai oublié le nom à l'instant, Claire, voilà, la manière de trouver une profession, la manière de trouver un métier, de gérer cette idée d'une vocation possible, d'une vocation artistique possible, et enfin bien sûr cette manière, la question qui est posée au frère cadet, et bien de s'accepter en tant qu'homosexuel, toute cette question d'un devenir homosexuel, enfin parce que en fait il l'est, mais d'un autre côté il ne l'est pas encore parce que il ne s'assume pas vraiment, il le refuse, c'est la raison de sa première rupture avec son ami policier. Donc en fait Six Feet Under. Et puis il y a les autres personnages principaux, Brenda et l'autre, qui ont eux aussi un mode de vie tout à fait spécifique, qui est plus une recherche qu'un mode de vie qui est assumé à ce moment-là. Donc finalement, le temps calendaire, c'était le temps familial, et avec la mort du père, c'est aussi la famille qui explose. Donc chacun retrouve ou explore une ligne temporelle qui lui est personnelle. Exactement. Et donc ce chemin-là est la propriété principale de la série. La compagnie des auteurs sur France Culture, on parle du temps dans les séries télé et en particulier dans Six Feet Under. Vous avez été un grand téléspectateur, Jean-Pierre Eskenazi, de cette série dont je rappelle qu'elle a été diffusée entre 2001 et 2005. Vous avez changé évidemment pendant ces 5 années, forcément. Et vous avez aussi changé sans doute en regardant cette série-là qui parle de nous, qui parle des individus contemporain, j'imagine que c'est très important, cette idée du changement du spectateur en même temps que le scénario avance. Sans doute les showrunners et les showrunners l'ont-ils en tête aussi? Alors, j'étais très heureux de vous entendre tout à l'heure et d'entendre Sarah, de dire que, d'insister sur cette idée de l'importance de la fiction dans nos vies. Quand j'ai commencé à travailler sur le cinéma et sur les séries télévisées, travailler sur les séries télévisées dans les années 90, c'était se faire traiter d'imbécile, hein, d'être considéré comme un imbécile, quelquefois les gens étaient polis, et de maintenir cette idée que de vivre avec une série qui vous plaisait, c'était une expérience de vie qui était tout aussi importante que d'autres formes d'expérience de vie. C'était pas une idée si facile à soutenir que cela, qu'on pouvait, la stratégie que j'avais à l'époque, c'était de le rapprocher des expériences littéraires, parce que ça, on l'admettait plus facilement. On pouvait raconter que vivre avec Dostoïevski a été très important dans mon adolescence, et que certaines autres séries comme Twin Peaks ou d'autres constituent des expériences qui nous changent de la manière dont vous l'avez décrit tout à l'heure. Donc en fait, il est bien évident que le temps dans la manière dont les spectateurs vivent la série est tout à fait intéressant. Alors, par exemple, moi, je ne peux pas être un binge-watcher. Je ne peux pas regarder une série... Binge-watcher, ça veut dire regarder pendant une seule nuit, par exemple, tous les, voilà, épisodes du même saison. Moi, je reste attaché à la vision d'un épisode et le lendemain de l'autre épisode, etc. Où on a le temps de digérer les choses, où c'est tout à fait... où ce temps de la digestion fait partie de la série, en quelque sorte. Et j'ai l'impression, mais certainement elle est fausse, parce que les gens qui font ça, ils doivent avoir de très très bonnes raisons, que ce temps de la digestion est nécessaire à la compréhension de ce qui se passe dans la série. Et on l'a de moins en moins avec les plateformes où les épisodes sont tous disponibles en même temps, alors que du temps de leur diffusion à la télévision, il fallait attendre une semaine après l'autre. Tout à fait. Disons que la vision quotidienne, c'est, enfin, pour moi, me satisfait en tout cas, et me permet d'avoir cette expérience vitale. Et puis il y a aussi des séries qui sont impossibles à regarder d'une traite, tant l'émotion est forte. Je pense à une série qui m'a marqué ces derniers temps, qui s'appelle Rectify, qui est une série sur un homme qui sort de prison après 20 ans passés dans le couloir de la mort, et qui renaît, avec un tiret au milieu, avec et qui, en même temps que sa renaissance arrive, il force absolument tous les gens qui sont autour de lui à retrouver un sens à leur vie et une nouvelle manière de vivre. Et là, une série absolument extraordinaire qui me semble tout à fait héritière de Siegfried and Roy, et qui est qui nous oblige, qui m'oblige moi en tout cas, bien à pleurer un bon coup avant de regarder le lendemain suivant. Non, vous n'êtes pas le seul. Tristan Garcia commence son livre en disant que Six Feet Under lui a appris à pleurer. On a parlé de ça hier avec lui. Tout à l'heure, vous avez parlé d'image du temps deleuzienne. Peut-être qu'on pourrait terminer là-dessus. C'est quoi l'image du temps? Moi, j'utilise ce terme-là. Alors, il a plusieurs interprétations plutôt que des exceptions selon les auteurs. Moi, je le rapproche un petit peu de la manière dont Mircea Eliade dit que finalement un mythe, c'est l'ouverture d'un monde, et que ce monde ne tient parce que il est associé à ce que j'appelle avec Deleuze une image du temps. Mircea Eliade dit une conception du temps, c'est-à-dire un mode de vivre dans le temps, hein, une façon de vivre dans le temps qui est soit une perspective ouverte ou fermée, comme Breaking Bad, fermée, ouverte, comme dans Rectify ou Six Feet Under, qui donne sens aux événements que nous vivons. En fait, d'une certaine façon, l'image du temps est ce qui ponctue une série d'événements et finalement relie ces événements dans une modalité temporelle qui est particulière et qui est évidemment humaine, qui consiste premièrement à ne plus se laisser engluer dans le calendrier et la répétition, donc, mais à trouver un sens à cette répétition. Et ce sens, eh bien, il est une manière de vivre dans le temps qui est spécifique. Je pense que c'est des choses dont on fait l'expérience très très profondément quand on vit des expériences temporelles qui sont fortes, comme l'attente par exemple. Je pense que dans l'attente, on est dans une modalité qui est particulière, qui est ce blocage complet. Vous attendez un résultat médical. Je pense au film Cléo de 5 à 7 par exemple, ou d'autres types de modalités du temps. Dans les séries, eh bien,